Vas-y, parle dans ton micro pour check. Check, check, check. Ouais, fais voir, vas-y, fais voir. Check your body. Oh, t'as un superbe check signal. Check your body. C'est parti. Oh. Le comité des Charles de Gaulle présente. Alors, pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vigne. Portrait de cette belle plante. Vendanger trop tôt, vendanger trop tard, peu importe. Le vin toujours viendra murmurer dans ta bouche avec une totale et franche honnêteté. Et cela à chaque petite gorgée. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquite dans le fond. Mais arrêtez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol ? Tire-bouchon, le podcast qui parle de pinard. Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro, mais que dis-je, le premier numéro de ce podcast, donc Tire-bouchon, Tire-bouchon, Maxime. Bonjour. Le podcast qui parle de... De pinard. Bravo. Super, voilà. Super. Alors nous nous présentons Maxime, Julien. Ben, non, Maxime, déjà moi j'étais... Enfin, déjà je voulais vraiment en parler avec toi. Oui. Au niveau du terme pinard. Oui. Oui, est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est pas un peu péjoratif ? Pas du tout. Selon toi ? Non. Alors, si tu veux, on peut parler de pop culture. Mais ouais. Le pinard, dans la pop culture, mais c'est le vin, c'est la gastronomie, c'est le, avant tout la convivialité, le terroir. Hein, c'est un, tout simplement un terme qui est dans notre culture comme la baguette de pain, comme le frometon, comme tout ce que tu veux. C'est pas du tout péjoratif. D'accord. Ça reste tout simplement... la boisson, le nectar des dieux, donc le pinard. Oula, ouais. Non, ouais. On fait pas de caisse non plus, mais... Non, si, c'est clair. Alors, le pinard, pas n'importe lequel. Il y en a des dégueulasses, il y en a des bons. Mais nous, on va surtout parler généralement de celui qu'on connaît le mieux, parce que c'est celui de la région que l'on habite, donc... Les Côtes-du-Rhône. Ouais, bravo, Côtes-du-Rhône. Encore une ouais, fois. Ouais, ouais, ouais, bah, c'est parce que j'y habite, en fait. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Putain, nous avons un point en commun, alors. Oh, putain. Si ce n'est notre barbe, c'est d'habiter dans les Côtes-du-Rhône. Formidable. Ouais. On va se présenter. Donc, puisque, on s'est toujours pas présenté. Voilà, on s'est toujours pas présenté. Ben, après toi, vas-y, hein, présente-toi. Alors, donc, moi, c'est Maxime. Oui, tu fais bien de lever la main, c'est très radiophonique. Oui, oui, oui, oui. Non, mais c'est pour que les gens m'identifient bien, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Enfin, les gens, je veux dire, les deux personnes qui nous écoutent. Oui, enfin, ta oui. Ta mère oui, et la mienne. Hein, voilà, oui, elles reconnaîtront nos voix, je pense. Et encore, quoique. donc je suis pas du tout un professionnel du vin, voilà, on démarre avec une négation, c'est très bien. Je suis par contre un œnophile, j'aime beaucoup le vin, j'adore ça. J'ai été élevé avec du vin dans mon biberon et de par ma profession que je tairai, mais j'ai l'occasion de voyager dans tout le quart sud-est et donc j'avoue que lâchement j'organise bien souvent mes tournées en fonction des châteaux et domaines du coin. Pour pouvoir m'adonner des dégustations dans tout le quart sud-est, quoi. Voilà, j'adore ça. Tout le quart sud-est, quand même, ouais. Tout le quart sud-est, enfin... Bon, l'intérêt d'avoir une énorme cave. Non, en vrai, je voyage de Montpellier à Gap, on va dire. Voilà. Ouais. Ça fait quand même... Une belle diagonale. Ça fait une belle diagonale, ouais. Et on passe par un petit bout d'Ardèche, voilà. D'accord. Ouais. Et donc voilà, donc à toi Julien. Julien, qui es-tu ? Alors, qui suis-je ? Alors, moi je travaille dans le vin depuis très peu. J'ai travaillé depuis toujours dans la communication. J'étais responsable communication d'un grand groupe d'enseignement supérieur. Waouh, ça paraît bien. J'étais même auteur et formateur en communication. Et puis... Tout m'a saoulé, ça m'a bandé, j'ai envoyé tout de cul, comme on dit. Et puis, je suis allé au cœur de la vigne. Donc voilà, depuis le mois de septembre, je suis un ouvrier agricole, un apprenti vigneron. Ouais. Et ben voilà, donc hein, j'apprends le métier de la vigne parce que mon objectif, c'est d'acheter dès l'année prochaine mes premières vignes et pourquoi pas d'avoir mes premières cuves et mon propre domaine. Donc voilà, je travaille dans le vin maintenant, donc, mais j'en connais tu pas apprends, plus que ça. Exactement. Voilà, tu apprends, donc, tu fais pas, tes armes. Voilà, je suis pas sommelier, je suis pas œnologue, je suis pas encore vigneron. Donc c'est le gros point commun qu'on a tous les deux, Max, c'est qu'on aime le vin. On parle pas de pinard, là, voilà, on aime le vin. On est œnopotes, puisqu'on partage, et ça on aura peut-être l'occasion d'en parler. On partage cette passion, mais voilà, on est amateur, mais on est... Voilà, on n'est pas des professionnels de ce domaine-là, on ne sait pas forcément les bons termes, on ne connaît pas forcément les bonnes techniques de dégustation, etc. Donc, on va apprendre tout ça ensemble et avec vous. Ouais. Donc là, on parle à nos amis auditeurs, donc à ta maman et à la mienne. Voilà, ouais. Et on leur fait des bisous. Donc voilà, c'est sans contrefaçon. Hein. Non, je ne ferai pas, je ne ferai pas cette vanne. Vas-y. Voilà, on va tout simplement essayer de dédramatiser, démocratiser, dégrossir. Enfin voilà, on pourrait trouver plein d'autres synonymes. Mais en tout cas, tout simplement, c'est verbaliser les émotions que l'on peut ressentir lorsqu'on ouvre une bouteille, lorsqu'on déguste un vin. Enfin voilà, c'est tout ça. Quoi. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Non, c'est exactement ça. C'est que bien souvent, on entend les gens à table, au restaurant ou quoi. Je fais quand le serveur apporte la bouteille, je fais goûter à quelqu'un, tout le monde dit « Ah non, moi, j'y connais rien en vin. Ah non, c'est monsieur qui s'y connaît, le mec, il a ouvert deux bouteilles dans sa vie et il se retrouve en charge de déceler un goût de bouchon que des fois, tu sens même pas si t'es pas aguerri. Ouais. » Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste savoir s'écouter et se faire confiance. Mais il faut justement faut crever l'abcès, quoi. Faut décomplexer. Dédiaboliser. Voilà, ça fait beaucoup de syllabes. La dédiabolisation. Mais c'est vrai que tu parles de quelque chose d'intéressant. C'est vrai, quand on est au resto, voilà, quelqu'un est désigné pour goûter le vin, mais on sait pas quoi faire. Tout le monde se regarde. Vous le trouvez dégueulasse, mais vous dites, il est bon quand même. Oui, parce que t'as un peu honte quand même. S'il est pas bon, mais il est bon. Enfin, non, on sait rien. Donc, c'est vrai que c'est une situation assez délicate. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler un peu aujourd'hui. Oui. Trois bricoles là-dessus. Mais avant de passer à ce sujet, on va parler un petit peu de très rapidement, on vous rassure, de Tire-Bouchon. Qu'est-ce que c'est ce podcast? C'est un rendez-vous qu'on vous propose. Donc mensuel. A priori, pour l'instant, voilà, on part sur un format mensuel. Voilà, si on y arrive, c'est génial. Ça serait déjà super. Si on arrive à s'y tenir, ça sera cool. Donc on commence Tire-Bouchon au mois de janvier. On commence l'année 2018 avec vous. Et ce podcast, ça va être nous deux la plupart du temps. On va être rejoint parfois par des collègues qui sont aussi amateurs de vin ou pas. Donc ça pourrait être intéressant parfois d'avoir des avis d'amis qui s'en foutent un peu. On ira également à la rencontre de vignerons ou de professionnels du vin. Surtout. Donc ça c'est important puisque quand on fait des dégustations, surtout toi qui envoies dans des domaines, c'est la rencontre qui est souvent le plus important. Ouais. Et on se rend compte rapidement que les gens aiment parler de leur domaine, aiment parler du vin, aiment parler de leur métier. Et en fait, c'est surtout ça qu'on avait envie de faire partager, parce que ceux qui habitent dans le coin, évidemment, ils ont l'habitude d'aller un coup de voiture, on va à Gigondas, un coup de voiture, on est à Kéran, un coup, on est à Châteauneuf-du-Pape. Mais ceux qui habitent un peu plus loin ou ceux qui sont pas forcément dans des régions viticoles, ils s'imaginent pas ce que tu peux vivre quand tu vas déguster ou acheter ton carton de vin dans un domaine. Et en fait, c'est super simple, c'est super convivial, c'est super intéressant toujours, parce que les mecs, ils aiment parler de leur terre, ils aiment parler de leur métier, de leur vie. Et donc, nous, ce qu'on propose justement, c'est d'essayer de vous faire partager un petit peu de tout ce qu'on peut voir là-bas sur site. Essayer de vous en ramener un petit morceau, de vous le faire écouter. Voilà, donc on se déplacera sur les domaines, on ira enregistrer les propos de ces gens, des sujets qui leur tiennent à cœur. Pas forcément de leur vin, peut-être des sujets d'actualité, je pense aux maladies de la vie, à la sécheresse, oui, oui, puisqu'on en parle en ce moment, oui, puisque, alors, oui, on peut revenir, je peux revenir vite fait sur pourquoi on attaque en janvier un podcast, alors que la saison des podcasts, c'est plutôt en septembre, c'est toujours la rentrée scolaire. C'est pour coller justement au calendrier des vignerons, parce que personne n'est censé l'ignorer, mais en septembre, c'est la période des vendanges. Et puis on attaque toute la vinification et tout derrière. Donc tous les vignerons, ils ont un max de boulot fin d'année. C'est là où ils bossent le plus finalement. Après, ils font que vendre des bouteilles. Mais non, il y a d'autres choses. On les évoquera. Mais c'est clair. Mais le gros, le pic d'activité, il est juste à ce moment-là. Donc on se sentait pas de démarrer, d'aller traîner dans leurs pattes à ce moment-là, en ayant un projet mal ficelé, mal réglé, balbutiant. Ouais. Donc mieux vaut reculer pour mieux sauter. Voilà, exactement. Arrive. Donc on attaque en janvier. Et puis on ça verra vous plaît bien. Pas, c'est pareil. Et c'est on comme verra ça. Bien où ça nous mène. Voilà. Par rapport à justement au travail des vignerons, souvent on me dit c'est bien, les vendanges sont terminées, maintenant t'es tranquille jusqu'au mois de septembre prochain. Non. Parce que la vigne se travaille tout au long de l'année et donc ça fera partie des rubriques que l'on verra également dans Tire-Bouchon. Ça me permettra de partager un petit peu mon expérience également, où en gros, je vous dirais, tous les mois, qu'est-ce qu'on fait actuellement dans la vigne? Qui sait? Peut-être qu'on a des cadres supérieurs qui nous écouteront, qui ont envie aussi d'envoyer tout de cul et de se lancer dans le vin. Donc, peut-être que ça pourra leur donner quelques vocations ou quelques tuyaux. On parlera également de vocabulaire, du jargon un peu vigneron. Donc ça, on verra ça là, en fin d'émission, où je vous donnerai. On essaiera de parler. Un petit sujet. Puis ça peut permettre de se la péter en soirée si vous rencontrez des vignerons, de dire alors, et balancer vos sujets. Mais bon, n'en disons pas plus pour le moment. Vous l'aurez compris, l'état d'esprit de ce podcast, c'est pas de prise de tête, c'est la convivialité, voilà, on est entre potes, voilà, vous faites partie maintenant de notre bande de potes, et on va parler de pinard, dès à présent, quoi. Alors, on va parler du pinard, mais pas n'importe quel pinard, on va plus ou moins parler du vin de par chez nous, ouais. puisque, même si on se refuse rien, honnêtement, si on a l'occasion d'aller du côté. Si on est invité par des châteaux de Bordeaux, on ira à Bordeaux. Oui, franchement, ouais, je poserai un congé et puis il n'y a pas de problème. Ou je trouverai un dossier à faire par là-bas, histoire de facturer mon trajet comme un salaud. Mais oui, donc on va surtout parler des Côtes-du-Rhône, puisque c'est de là qu'on est. Toi, Julien, tu es de la région du Pont du Gard, on va dire. On va dire Côtes-du-Rhône, côté rhodanien. Donc, sur une appellation qu'on appelle Signargues. Donc, voilà, on est en plein dans les Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Rhône Village, etc. Alors, on y va. Côtes-du-Rhône, qu'est-ce que c'est? Alors, géographiquement, déjà, il faut le voir en deux parties. Mm-hmm. Tu as les Côtes-du-Rhône septentrionales, la vallée du Rhône septentrionale. Au Scrabble, septentrionale, c'est super compliqué. Ça, c'est balèze. Déjà, rien que pour retenir le mot, pour le ressortir là tout de suite, c'était chaud. En fait, c'est toute la partie au sud de Lyon, mais au nord du Vaucluse. C'est le nord, quoi. Ouais, c'est là-haut, là. Ouais. Donc, c'est Crozes-Hermitage, les Saint-Jean, les Condrieux. Mm. Juste en dessous de ça. Donc, c'est marrant parce qu'on passe, il y a le 45e parallèle qui passe juste là. En fait, qui fait une frontière, pas physique. Quelle leçon de géographie. T'as vu un peu, voilà. Et on passe vers les Côtes-du-Rhône méridionaux. Ah oui. Méridionalo. Ça, au Scrabble aussi, ça. Voilà, la vallée du Rhône méridional, c'est celle qu'on connaît le mieux. C'est celle où la tête de liste, on va dire, c'est le Châteauneuf-du-Pape. Bien sûr, ouais. Gigondas, Kéran, Vaqueras. Et on descend jusque, on va dire, Avignon, les côtes du Luberon, les côtes du Ventoux. Ouais. Et puis plus à l'ouest, les Vins de par chez toi. Costières de Nîmes. Les costières, voilà, les costières de Nîmes, les Signargues, c'est les rosés, c'est les. Les Tavelles, oui, voilà, je l'avais oublié. Mirosé de France, oui. Oui, c'est vrai. Ça, d'ailleurs, ça sera intéressant d'en parler dans un autre numéro, parce que Tavelles est hyper connu, donc en France, pour le rosé, mais on vous parlera comment choisir un bon rosé, parce qu'il a la réputation d'avoir une couleur très foncée. Alors, on m'a dit qu'il fallait mettre du pamplemousse dedans. Sacrilège. On en parlera dans une autre émission, ça fait partie des sujets, vous voyez, qu'on abordera sur des numéros, donc ils peuvent, quoi qu'il arrive, ça sera des sujets pour nous consommateurs avertis ou non, quoi. Ouais. Bon, Côtes-du-Rhône, c'est un territoire qui est quand même c'est assez balèze. Grand. Ouais, ça fait à peu près 200 km de long. D'accord. Donc ça fait une bonne partie du territoire français. C'est au niveau français toujours, c'est le deuxième vignoble d'AOC derrière Bordeaux. Ah ouais, d'accord, ok. Donc oui, il y a une grosse différence. Mais en termes de surface, on est sur du 70 000 hectares cultivés. Si tu veux la référence avec Bordeaux. Bah oui, tant qu'à faire. Bon, Bordeaux, ils sont à 110 000 hectares. On va les bouffer, c'est bon. Ils sont loin devant. Bon, ça explique pourquoi on parle beaucoup de Bordeaux quand on parle de vin français et pas beaucoup finalement de Côte d'Or. Bordeaux, c'est la tête de pont, quoi. Ils exportent beaucoup et puis ils en font énormément parce que voilà, pareil, Vallée du Rhône, c'est 3 millions d'hectolitres produits chaque année. Ça, je vous dis ça, ce sont les chiffres 2016 que j'ai récupérés sur le site du syndicat. C'est le genre de petit détail, c'est-à-dire les vignerons ou les professionnels du vin parlent en production en hecto. Hein. On ne parle pas en litres. Je crois qu'en Champagne, on n'utilise pas l'hectolitre. Pour parler du Champagne, il me semble qu'on utilise une autre... La caisse, peut-être. La caisse. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, je sais pas. Il me semble que non, mais même pour calculer le rendement, parce que là, on utilise l'unité l'hectolitre, mais ça marche pour les rendements aussi, pour les terres, puisque selon le cépage, selon la terre, t'as des rendements plutôt automatiques de moyenne que tu sais. Non, puis déjà. Même t'as des limites en fait qui te sont imposées. Ah oui, par rapport. Mais ça, on en parlera parce que en effet, le n'est pas Côte du Rhône qui veut, puisque pour faire du vin en Côte du Rhône, il faut respecter un cahier des charges bien exactement précis. Et donc ça, voilà, ça fera partie également des choses que l'on pourra. Enfin, un des points du cahier des charges, donc là en ce moment, c'est ce que je fais dans les vignes, c'est ce qu'on appelle le palissage, c'est-à-dire que là, on a des nouvelles vignes, donc c'est-à-dire des plants qui sont encore petits. Et là, en fait, on plante des piquets, on tire des fils. Et en fait, ce fameux fil de fer... En janvier, t'es pas un peu en retard ? Non, non. En fait, tu fais ça quand tu peux, quoi. D'accord, ok. Et en fait, c'est entre 60 et 65 cm. Je crois que c'est 65 cm. Tu dois pas dépasser 65 cm sur la hauteur de ton fil de fer. D'accord, ça, c'est calibré. Ouais, ouais, absolument. Donc, d'accord. Toi, c'est hyper intéressant. Je le connais pas encore par cœur. Et si je suis encore un peu approximatif, il faut pas trop m'en vouloir parce que je débute. Je l'ai imprimé. Si tu veux vraiment une antisèche, on coupe vite fait. C'est hyper intéressant d'un point de vue production. Il y a un cahier des charges qui est très restrictif et très contraignant pour les vignerons. Hein. Ça leur oui, mais il est garant. Mais ça, voilà, ça permet d'avoir savoir-faire du vin de qualité et de la typicité du produit. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est ce qui est marqué dessus. Et en troisième position, c'est qui ? Donc derrière. Non, mais j'ai pas dit. Parce que en vallée du Rhône, on produit 3 millions d'hectolitres. Et Bordeaux, ils sont plutôt, ils frisent les 6 millions, quoi. Ils frisent le double, 5,8. Alors, pour parler de justement pour faire un peu une transition avec tout ça, ouais. Les Côtes du Rhône, ils ont des spécificités. Ce sont des vins qui ont des spécificités qui sont réputés un petit peu forts, tanniques, etc. Donc tout ça, ça fait partie du. Enfin, pour déceler ou en tout cas l'apprécier ou s'en rendre compte, il faut avoir quelques notions de dégustation. Ouais. Donc ça, je sais que tu as étudié le sujet pour oui. aujourd'hui, donc la ouais, dégustation, donc sans faire non plus toute une encyclopédie de la dégustation. Non, parce que... en fait, c'est plus un cérémonial. Si les gens n'ont jamais fait de dégustation et qu'ils veulent vraiment démarrer, s'intéresser au vin, ils ont besoin de se créer une espèce de bibliothèque, on va dire, tu vois, une bibliothèque d'odeurs, de goût et de tout ça pour pouvoir comparer en fait. Parce qu'il y a plein de termes, plein d'adjectifs, mais bon. Ouais, mais à la limite, on s'en fout quoi. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une espèce de priorité dans les mouvements, dans les gestes d'accord. à faire, ouais. à peu près respecter pour pouvoir analyser correctement un vin. Voilà. Bah écoute. Alors oui, donc je nous ai mis une petite bouteille de côté. Vas-y, c'est quoi ? C'est parce que c'est pour le premier numéro, je me suis dit tiens, je vais sortir une belle bouteille. La belle bouteille. La belle bouteille, hein, ça fait plaisir. Je t'en payerai pas comme ça tous les mois. donc c'est un Montredon, un château Montredon 2012, donc un Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape, ok. Qu'on avait acheté dans des conditions particulières, puisque t'étais là. C'était pour l'enterrement de vie de garçon de moi-même. Voilà, c'est ça. Oui, on fait des enterrements de vie de garçon. Pour ceux qui connaissent pas, ouais, Montredon, c'est quand même une référence du Châteauneuf-du-Pape. C'est un gros domaine, quoi. C'est joli. Donc on l'ouvre, là, à l'instant. Hop là, bravo. Et sans bruitage, c'est le vrai bruit de la bouteille, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, première chose à faire, on tire le bouchon. Maxime, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça sert à quelque chose de sentir le bouchon ? C'est quelque chose qu'on fait souvent. Oui, sans le bouchon, même dans certains restaurants. Est-ce qu'il y a un intérêt à ça ? Oui, il y en a un. Mais tu le connais pas. Mais non, honnêtement. Bon, on s'en balance aujourd'hui. C'est un truc, c'est pour les connaisseurs, ça. On renseignera. Alors, pas n'importe quel tiers-bouchon. Ça c'est très important. Que vous posez la question, mais le comité des Charles de Gaulle, mais qu'est-ce que c'est les Charles de Gaulle ? Les Charles de Gaulle, c'est les tiers-bouchons qui sont, on va dire, les plus connus. Vous savez, c'est ceux que quand vous tournez, les bras se lèvent et après vous appuyez sur les bras pour sortir le bouchon. Mais on appelle ça un Charles de Gaulle parce qu'à une époque, Charles de Gaulle avait fait un discours, les bras tendus comme ça, et je vous ai compris. Oui. Mais voilà, depuis ça a pris le nom des Charles de Gaulle. Et nous, ça nous a bien fait marrer. Donc, on imagine vraiment un petit personnage en fait avec absolument. Ce tiers-bouchon. Ouais, il manque juste le képi, mais franchement, voilà, c'est le genre de choses que vous pourrez dire en soirée encore une fois. Oh, Charles de Gaulle. Un très joli tiers-bouchon, Charles de Gaulle. C'est comme les Naines Jardins d'Amélie Poulain, tu sais. Et donc tu commences à servir. N'en mets pas trop, s'il te plaît, pour commencer. Alors, juste un doigt. Juste un doigt, voilà. Juste un doigt pour commencer. Alors, voilà, j'ai servi pas trop non plus. Hein. Le but, c'est pas de remplir le verre aux trois quarts. Écoute, alors, ce que tu fais, voilà. Donc, pour quand tu commences à déguster un vin, ça se fait en trois étapes. D'accord. T'as la vue, ouais. L'odorat et le goût. Ok, dans l'ordre là que tu viens de dans citer. Cet ordre-là. Ouais, ouais, dans cet ordre-là. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder. Mmh. On va commencer par regarder ce vin. Donc, tu as toute la partie supérieure, on va dire. La surface, quoi. La surface, voilà. Ouais. Qui s'appelle le miroir. Mmh. Donc, il te faut un miroir, un beau miroir. Et c'est quoi un beau miroir ? C'est un miroir le plus pur possible. t'as pas de traces d'hydrocarbures, t'as pas de marée noire ou quoi pas dedans. De poils, voilà, tu vois, ouais, pas, voilà, c'est ça. Et aussi, tu vas pouvoir juger de la clarté du vin. Est-ce que t'as des pellicules en suspension, des choses un petit peu. Il faut prévoir de la lumière parce que là, on est sur une mezzanine, il commence à faire nuit, c'est génial. Non, mais arrête, mais on voit très bien à travers le Velux. Ouais. que ce vin est parfaitement clair. Voilà. Autre chose que tu vas pouvoir regarder. Donc, ce qui est intéressant, c'est de toujours avoir un support blanc. Vous verrez, dans les caves, il y a soit le comptoir est blanc, soit tu as le truc qui peut te sauver la vie, c'est la grille des tarifs. Il est imprimé sur un petit papier blanc, ou si tu as ton carnet, un prospectus ou quoi, n'importe quoi. Ouais. Tu penches ton verre comme ça, tac, juste au-dessus de ta feuille blanche, comme ça. Ça va t'aider à quoi ? Et tu vas pouvoir commencer à regarder la couleur du vin. Et là, ça va vraiment te donner une indication sur l'âge du vin. Tu regardes le liseré supérieur, on va dire, là où ton vin est le plus fin. Mmh. Tu peux même regarder le reflet, la couleur du reflet sur ta feuille. Et en fait, pour les vins rouges, comme ça, tu vas avoir tout un dégradé qui va partir d'un violet, quelque chose de très violet. Ouais, tu pourras regarder, il y avait les Beaujolais il n'y a pas longtemps. Oui, ouais, ouais. Comme les primeurs, tout ça. Voilà, ouais. les vins très très jeunes sont nouveaux, très violets. Et ensuite, plus tu vieillis, au plus tu vas vers des rouges classiques, des grenats, rubis. Mmh. Et quand tu vas commencer à attaquer des vins vieux, ouais, tu vas aller vers le tuilé, vers des couleurs orangées. D'accord. Pas marron, parce que là, après le vin cuit... Bah non, ouais, voilà, vieux, c'est madérisé, comme on dit. D'accord. Ou quoi. Ouais, c'est bon pour le vinaigre. Mais voilà, donc tu vois, ici, on est sur une belle couleur rubis. Au soleil, je l'avais regardé, tu commences à avoir des reflets orangés. Là, c'est vrai qu'on n'a pas assez de lumière, mais ça commence. Donc, c'est un vin qui commence à vieillir en 2012. Mmh. Mériterait d'être un petit peu plus vieux que ça. On sait que les Châteauneuf-du-Pape, ils vieillissent assez bien. Donc là, c'est intéressant. Donc, voilà, tu vois que c'est un vin. Tu vois tout de suite, rien qu'à la couleur comme ça, tu peux voir que c'est pas un vin de l'année, quoi. D'accord. Vraiment, juste. Oui, on aurait servi un primeur, par exemple. Ouais, vrai, oui. Ils auraient été quasiment violets, quoi. Ouais, c'est vraiment. Faites-y attention. C'est très très parlant, quoi. D'accord. Donc voilà. Donc une fois que t'as vu ça, t'as vu un petit peu tout ce que t'avais à voir. Il y a une autre chose que tu peux regarder. D'abord, c'est les larmes du vin. Tu vois, quand tu penches ton verre. Ouais. Ensuite, t'as les larmes qui coulent. Le ruissellement du vin sur les parois du verre, ça va te donner des indications sur le degré d'alcool du vin. C'est-à-dire que tu en vois toi du oui oui il y en a, c'est parce que mes verres sont pas géniaux, pas très propres non plus. Oui, ouais, je t'en prie. si t'as les larmes sont nombreuses, régulières. Ouais. C'est assez épais. En fait, plus tes larmes sont nombreuses, plus le dépôt, plus la pellicule est épaisse, ouais, plus t'es dans un degré d'alcool assez haut. D'accord. Voilà. Plus de sucre, donc qui colle. Voilà, c'est ça, d'accord, exactement. On sait que les vins de par chez nous, les vins du sud, c'est plutôt des vins à 14 à 15, 14 et demi. Hein. Sur l'étiquette. Ouais. Sur l'étiquette, c'est marqué 15, et des fois dans le verre, t'as peut-être même des fois plus. Ok, on va pas se mentir. Donc on est sur des vins dont on aura beaucoup beaucoup de larmes. Assez épaisse. Voilà. Si tu vas sur des Sancerre rouges, qui sont des vins à 13, beaucoup plus légers, ouais, tu auras beaucoup moins de larmes. Ça sera beaucoup plus tranquille sur ton verre là. Ok. Voilà. Donc, déjà, rien qu'en regardant, tu peux, avec de l'expérience, une fois que tu t'es fait ta bibliothèque, dont je parlais tout à l'heure, tu peux quasiment dater ton vin, ou au moins dire s'il est jeune ou vieux. D'accord. Et quasiment quantifier le degré d'alcool que tu as dans ton vin juste à l'œil, comme ça. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le sentir. Okay. La première fois. Alors, je remue mon verre, c'est ça ? Non, tu remues pas ton verre. Ah. Pour l'instant, on n'a pas remué. On l'a regardé, on l'a ausculté. D'accord, ouais. Mais on ne l'a pas bougé plus que ça. Ah oui, ça, parce le... que là, tout de suite, on a envie de le remuer pour sentir. Non, on va... Bon, là, on prend le temps. Normalement, tout ça se fait beaucoup plus rapidement. Mais on va le sentir une première fois. Donc là, c'est ce qu'on appelle le premier nez. Donc là, tu notes ce que tu vois. Alors, les professionnels, ils y voient déjà plein de choses là-dedans. D'accord. Bon, nous, en tant que simples amateurs, ils sentent pas note. Fort, ils sentent pas la, ils sentent pas l'alcool. Voilà. Donc, ça ouais, pas mal. C'est déjà s'il y a un défaut de bouchon, s'il y a vraiment quelque chose qui va pas, là, tu le sens au premier nez. D'accord. Tu le sens tout de suite. Et donc là, tu vois. Bon, on sent quand même le fruit et tout, c'est sympa. Et là, tu vas pouvoir commencer à l'aérer, donc à le faire tourner dans ton verre. Alors, les verres, qu'est-ce qu'on peut prendre? C'est le verre de la cantine, le Duralex, un verre à pied classique? Non, non, c'est des verres à pied. C'est des verres à pied qui se resserrent à l'embouchure, justement, pour canaliser les effluves et les rediriger vers ton nez le plus efficacement possible. La forme, même la forme du verre va influencer ton odorat. Oui. Il faut qu'il soit très évasé en bas, très large, en fait, pour que tu aies un maximum de contact avec l'air, un maximum, un maximum de surface d'échange pour aérer le vin. Et qui se resserre en haut pour pouvoir, pour pouvoir resserrer les arômes vers ton nez. Quoi. Alors là, ce qui est dingue, c'est qu'en effet, tu as le premier nez, et là maintenant, quand on le sent, c'est plus donc, du tout la même là, chose. Là, tu l'as fait tourner un petit moment, et là, tu vas le ressentir de nouveau. On ne sent pas du tout la et même là, chose. Et là, tu sens, tu vois. Et donc, ce qui est important, c'est de noter l'évolution. Donc, au premier nez, on était très dans le fruit. Ouais. On sentait tous ces arômes de fruits rouges qu'on a du grenache ou quoi. Et là, on a un peu plus d'arômes. Je sais pas, dans les arômes de fût, tu sais, que pourrait donner le fût de chêne, le vieillissement, l'élevage en fût de chêne. Des arômes un petit peu plus. Boisé, quoi. Ouais, boisé. Je sais pas si j'aurais dit boisé, mais. Je sais pas, plus épicé, non? Ouais, donc c'est vrai que quand tu es sur des barriques en bois, ça va apporter tout de suite. Ça, tu le sens. Et en fait, ce qui est important, c'est que là, on a vu que, au-delà de se perdre pour chercher des arômes, des noms et tout, on s'en fout à la limite. Ce qui est important de noter, c'est que tu avais une vraie évolution en bien. Hein, parce qu'on avait, quelque chose de un petit vin de fruité, mais de sympa, mais de pas plus que quasi, ça. Au premier nez, quasi au premier nez, rien. Pas grand-chose. Et au deuxième nez, c'est beaucoup plus complexe. Donc là, on va dire que tout de suite, on identifie que c'est un vin qui mérite d'être carafé, en fait. Ouais. Là, ce qu'on voit, c'est que l'apport d'oxygène lui fait alors, du carafé, bien. Carafé, vas-y, explique-nous. Oui, oh, bah, ça, tout le monde l'a vu. Peut-être pas, non. Quand même. C'est-à-dire que, en fait, tu vas vider le contenu de ta bouteille dans une carafe. Alors, pas un pot à eau, quoi. C'est vraiment une carafe à vin. Oui, tu as des carafes à vin, toujours, avec un maximum. Un gros cul. Ou tu as un gros cul pour maximiser la surface de vin en contact avec l'air, pour oxygéner le vin au maximum. Voilà. Donc, parce que tu as des vins, alors, c'est surtout sur les vieux Bordeaux, des vieux vins de garde et tout, où quand tu vas l'ouvrir, il va être super bon. Ouais. Et dès que tu vas commencer à l'oxygéner, il va perdre, en fait. Donc, c'est des vins qu'il faut surtout pas carafer, c'est des vins de connaisseurs que tu vas boire vite fait. Mmh. Comme ça, au cul de la bouteille, tu vas te régaler tout de suite à l'ouverture. D'accord. Mais tu vas pas le servir à table. Enfin, si, tu peux le servir à table, mais tu vois, tu le laisses pas durer, tu le laisses pas en carafe pendant des plombes. Parce que tu vas tout perdre. D'accord. Est-ce que tu connais le terme chambré? Parce que c'est également... Ça, c'est la température. Voilà. C'est un terme qu'on emploie souvent en dégustation ou pas, hein, tout simplement, quand on boit du vin. Donc, chambré, donc, c'est la température ambiante. Donc, c'est 16-18 degrés. Ouais. Chambré. Ouais, bon, c'est un peu plus frais que... Un peu fraîche, quoi. Ouais, voilà. Bah, dans la chambre, normalement, RT, quand t'es en RT 2012, t'es à 19... Petit indice sur la profession de Maxime. Quand t'es à 19-18 degrés, normalement, selon les normes. Hein, donc, même moins que ça. Oui, et pour les vins blancs, plus frais. C'était plutôt à 10-12 degrés pour des vins blancs. Et sais-tu pourquoi on boit les vins blancs plus frais? Ah, mais c'est une excellente question et je vous remercie de l'avoir posée. C'est tout simplement parce qu'en fait, les vins blancs sont beaucoup plus acides. D'accord. Et donc, le froid neutralise cette sensation d'acidité que tu as dans les vins blancs. Et donc, ça les rend beaucoup plus agréables à boire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur le rosé aussi, ou c'est purement... Non, c'est vraiment spécifique au vin blanc, ça. D'accord, ok. Ouais. Parce que le rosé, on le boit frais, pourquoi alors, finalement? Parce que c'est dégueulasse. Bon, ok. Alors, donc, voilà, donc on a vu plein de choses. On a vu, on a senti, déjà, on s'est régalé, là, et on le remet dans la bouteille, on referme, et on se le ressort le mois prochain, c'était sympa. Non, ben là, on va pouvoir goûter. Alors, on va pouvoir goûter, on va pas faire n'importe quoi. Ah. C'est-à-dire que... L'idée, moi aussi je commence à avoir du mal à tenir. Et l'idée, c'est vraiment de le faire passer partout dans la bouche parce que surtout, ça va se jouer surtout au niveau des tanins. Mmh. Alors, un tanin, c'est quoi? Ça va être le. Comment on pourrait le définir? Parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on emploie souvent. Oui. Alors, c'est aussi désigné par. On appelle ça l'astringence aussi. Voilà. C'est une espèce de sécheresse, une rugosité une que ça laisse. Voilà. Et c'est toujours intéressant. Et c'est pour ça que c'est important de faire circuler le vin sur le palais, sur les joues, sur les gencives, pour pouvoir avoir tout un nuancier de sensations. Ça veut dire que tu dois te faire un bain de bouche carrément avec quasiment et toujours apporter non mais c'est en dégustation mais non mais en dégustation c'est vraiment pour tester le vin, c'est pas pour d'accord. le boire avec ta pintade, quoi. Ouais. Mais quand je dis ta pintade, c'est le plat, hein, ah, oui, okay, mais vin. Ouais. Pas de ma femme, ça me rassure. Non, voilà. On lui passe le bonjour. voilà, donc c'est important de le faire passer partout, de lui apporter de l'oxygène. Tu le vois souvent à la télé, ou enfin quand il y a une dégustation, ah, là, le mec. Petit bout de... Ah ouais. Un truc, ouais, un bruit dégueu, là. Ouais, ça au restaurant, ça craint, quoi. Frappe une douille. Mais ouais, non, ça au resto, c'est un peu dégueu. Mais toujours, c'est toujours dans cette idée d'apporter de l'oxygène au vin pour qu'il révèle au maximum ses arômes, quoi. Ok. Alors, septentrional, t'arrives à le dire, mais révèle. Non, ouais, ça fait plusieurs fois que j'accroche, ouais. Ok. Bon, ben, je te propose d'y aller, hein. Ok. Donc là, on vide le verre cul sec, c'est ça? C'est comme non, ça non, une petite gorgée. Non, mais ça valait le coup d'attendre. Ok. Donc là, vous entendez nos bouts de bouche qui sont absolument odieux et on s'en excuse. Je sais pas si je les garderai, mais. Mais non, franchement, ouais, ça révèle beaucoup de choses. Donc, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant, c'est bon, surtout ça, hein, de l'avoir fait d'un point de vue chronologique, c'est-à-dire d'avoir regardé d'abord, analysé ce qu'on avait dans le verre, donc d'un point de vue couleur, avec les larmes, etc. D'avoir finalement pris le temps de le sentir une fois, de le remuer, de le ressentir une deuxième fois. Donc ça nous a donné des indices. Et là, ce qu'on ressent en bouche, finalement, ça clôture notre dégustation. En tout cas, on se dit que c'est pas mal. À la vue, on avait un vin qui était plutôt âgé, donc là, bon, en effet, 2012, on a donc un vin qui est... Ça commence. Ouais, 6 ans, c'est pas mal. C'est pas fou, avec un fort degré, donc avec les larmes en 14,5, donc, tout en sachant que, ça c'est la petite histoire, quand vous avez un degré sur une étiquette, légalement, on peut tricher de 0,5, en dessus ou en dessous. Ah d'accord, ok. Donc là, il est à 14,5, il peut très bien être à 14 ou à 15, au final. Donc ça, c'est... Bon, normalement, on ne le sait pas, quoi, mais bon, c'est le petit tuyau qu'on vous donne ce soir. Donc ça, déjà, on le savait. À l'odeur, on avait quand même un vin très fruité. Et puis, bon, au goût, je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais moi, je trouve que c'est... Alors, qu'est-ce qu'on y cherche au goût? Ah. Puisque maintenant, on l'a. Parce que là, maintenant, déjà, avoir parlé, j'ai des goûts qui reviennent, quoi. Eh oui, donc on va chercher déjà, est-ce qu'on confirme ce qu'on avait au nez, au premier ou au second nez? Donc, on confirme plutôt ce qu'on avait sur le second nez, là. C'est-à-dire que... Je t'écoute et je mange un morceau de saucisson en même temps. Oui, ouais, c'est très bon, c'est un saucisson au cèpe. Au cèpe, Je l'ai acheté chez mon boucher ce matin, en descendant. Ouais. Qui est très sympathique, d'ailleurs. S'il nous écoute, on l'embrasse, on aura 3 auditeurs. Voilà, c'est ça. Oui, je lui ferai passer le fichier. Ton tian de légumes était super bon, je me suis régalé à midi. donc, qu'est-ce qu'on y cherche? Voilà, on y cherche des goûts, puisqu'on le goûte. Donc, ça se joue sur plusieurs axes. Voilà. En vrai, ce qu'on va chercher à juger en dégustation, c'est l'équilibre d'un vin. L'équilibre d'un vin, ça se joue sur 3 critères. C'est comme si tu essayais de faire tenir une pièce en équilibre sur ton doigt, tu vois, facile. Et elle va pencher. Alors ça dépend, 10 centimes, 2 euros, 1 euro. Une pièce de 5 francs. Ah. Tu sais, comme les plus jeunes n'ont pas connu, une grande pièce, en fait. De toute façon, j'ai la phobie des pièces de 5 francs, méfie-toi. Ah, voilà, et en fait, sur 3 axes, pareil, t'imagines le logo Mercedes, pour faire simple, tu vois, ou l'axe, la flèche d'en haut, ça serait l'axe des tanins. D'accord. La flèche d'en bas à droite, ou en bas à gauche, on s'en fout, tu la mets où tu veux, ça serait la flèche de l'acidité. D'accord, Et la troisième flèche, ça serait la flèche de souplesse, moelleux. Moelleux, d'accord. Ouais. Des sucres. Ok. Ouais, voilà, pour faire simple. Ouais, donc, vulgarisons, vulgarisons, on n'est pas là pour se la péter. Et donc, en fait, voilà, il faut vraiment que tu ailles chercher tous ces goûts-là. Donc, déjà, tu vas essayer de savoir pour ton acidité. Est-ce que c'est vraiment acide? Est-ce que c'est vraiment aigre? Est-ce que c'est une espèce de fraîcheur? Ou est-ce que c'est un vin vert? Ça, tu vas essayer d'essayer de le voir. Ton astringence des tanins. Ouais. Donc, l'acidité et l'astringence, des fois, ça, quand on n'a pas l'habitude, ça peut se confondre. Parce que c'est une sensation quand c'est vraiment trop. C'est une sensation désagréable, l'acidité. Tu vois, c'est... Bien sûr, ouais. Voilà. C'est côté vinaigre, quoi. Oui, voilà. Quand ça déchausse les dents, c'est que c'est acide, quoi. Ouais. Mais en fait, ce sont deux sensations bien particulières, justement, qu'il faut apprendre à différencier. Donc, on verra qu'il y a des cépages, des vins qui sont vraiment très tanniques. Donc, on pourra essayer de gérer notre jauge avec ça, essayer de faire des expériences avec son palais, ouais. de prendre des vins tanniques. Alors, mmh. si vraiment on voulait un exemple tout de suite, c'est les vins à base de Mourvèdre. Ouais. Le Mourvèdre, là, c'est un cépage. C'est un cépage, mmh. voilà. Donc, chercher des vins à base de Mourvèdre, ils sont faits de très bons du côté de Bandol. Mmh. Je dis ça, voilà, à majorité à 80% de Mourvèdre. Et là, vous aurez des vins très tanniques et vous pourrez juger de tout ça. Donc, l'acidité et après le sucre. Le sucre, est-ce qu'on est sur un vin très, très sucré, moelleux ou genre, tu connais ouais, Jurançon, tout un ça. Jurançon, ouais. les tariquets. Enfin, tu les connais, ces vins-là. Là, pour les vins blancs, avec voilà, le foie gras. voilà, voilà. Non, mais oui, voilà, ben, ça donne une idée, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, tu as ces trois axes-là et tu vas gérer, juger de l'équilibre. Tu vas voir où est-ce qu'elle penche ta pièce, quoi. D'accord, ouais. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais équilibre, ça dépend ce que tu veux faire avec, c'est toujours pareil. Hein. Tu peux très bien aller chercher un vin volontairement acide parce que ton accord met avec les plats, tout ça, ça ira bien, quoi. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais bon, voilà. Donc, quand tu fais une dégustation, vraiment, tu juges cet équilibre-là. Mmh. Tu vas chercher et essayer de savoir. Donc finalement, une dégustation, on joue sur les trois sens. On joue sur les trois sens, donc, ouais. Donc l'odorat, la vue, le goût, bien entendu. Oui, alors il y a juste deux remarques que je voudrais faire. Deux dernières remarques, éviter d'être trop long, trop chiant. Il y a un truc souvent, les cavistes qui nous vendent, mmh. et moi j'ai appris à m'en méfier, et ça m'énerve un peu, c'est le goût de framboise. Oui. Tu le connais, le goût de framboise ? Alors, je le connais pas, mais la banane, la framboise, la mûre alors, des bois. Ah, mais non, il y a quelque chose de particulier avec la framboise. Alors, vas-y, c'est que, non, mais la framboise, enfin, bon, c'est, il est bon, hein. Oh là là, ouais. Excusez-moi, moi, je rebois du vin à côté, mais c'est tiens, une mais tiens, mais resserre-toi. Ah, hein. C'est juste une tuerie. Avec modération. Oui. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération. Oui. Et quand on fait une vraie dégustation, au domaine, hein, on recrache, ouais. hein. Oui, parce oui. qu'on y est venu en voiture au domaine. Il y a un crachoir, voilà, tout à fait. Il y a un crachoir. Et c'est pour ça, justement, qu'on aspire de l'air, tu sais, quand, ouais. avec le liquide dans la bouche. Oui. Parce que ça permet de. C'est ce qu'on appelle la rétro-olfaction. De toute façon, la majeure partie des saveurs, des goûts, c'est par le nez que oui, ça se fait. Pas que, pas que pour le vin. C'est oui, oui, c'est pour tout. Ouais. On voit bien que quand on est enrhumé, que quand on a le nez bouché, on n'a plus aucun goût, quoi. On mange voilà. du carton. Donc là, en fait, on respire avec le vin dans la bouche, on recrache l'air par le nez. Mmh. En fait, on respire. Et ça nous apporte toutes ces saveurs-là. Et on n'a pas besoin du goût, on n'a pas besoin d'avaler le vin pour profiter ouais. de tout son bien potentiel sûr, de ouais. goût. Et donc, on le recrache, voilà, on le recrache. Surtout, alors, si vous voulez garder une gorgée, quand tu fais des dégustations en cave, en général, il te sort les moins bons au départ, ouais. et tu montes en gamme. Donc, si tu veux vraiment garder, boire ouais, une gorgée ou quoi, au début et tu craches après, au début. Et puis bon, les derniers, tu t'en gardes une ou deux, manière de quoi. Mais voilà, te fais pas avoir dès le début, parce que sinon le c'est mieux, mort, c'est, ouais, c'est d'y aller avec un sable, quoi. Oui, ou avec quelqu'un qui conduit. Ouais. ouais, mais bon, moi, quand j'y vais, je suis tout seul. Donc oui, je suis oui, obligé oui. de recracher. Non. Mais je m'achète quelques bouteilles et puis je règle ça à la maison, quoi. qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, non, le goût de framboise. Oui. Le goût de framboise, on te le vend. Tu le sens pas forcément. Ouais. Surtout quand tu débutes dans la dégustation, le goût de framboise, tu le alors, sens pas. Là, tu prêches un converti. Moi, je ne sens aucun goût. Ouais. C'est-à-dire, souvent, on me dit la framboise, et en fait, le machin. Et en fait, le mec, rien, le caviste ou le vigneron, il t'a dit, tu le sens la framboise ? Et ça veut dire que c'est bon. Oui, hein. Si tu sens la framboise, tu dis oui, quoi. Si tu sens la framboise, c'est que c'est bon. C'est un bon vin. Hein. Et alors, c'est chiant. Donc, méfiez-vous de la framboise. Moi, j'aime pas quand on me survend la framboise. La framboise, c'est une salope. C'est chiant. Dès que le mec il commence à te taper sur l'épaule et à te dire tu la sens la framboise, oui. moi déjà, méfiez-vous. Moi je me méfie, ça m'emmerde tout de suite. Quoi. Et mais quand tu achètes de l'huile d'olive, c'est pareil. Quand on te dit tu la sens l'huile d'olive en te tapant sur l'épaule, c'est toujours un réflexe où tu te méfies. Quoi. Voilà, ouais, bah, moi à partir du moment où on me tape sur l'épaule, déjà ça m'emmerde. Donc je me méfie. et il y a l'autre qui est à la mode maintenant, c'est la minéralité. Tu la connais, t'en as entendu parler de la minéralité. Ah ouais, c'est très minéral. Oui. oui, avec ce vin, on a une grande minéralité. Oh, ah putain, ouais. moi j'ai jamais, enfin, rarement je suce les cailloux. Donc juger de la minéralité, j'ai du mal à juger d'une minéralité. Mais peut-être que c'est bon. Hein. Non, mais il y a vraiment quelque chose. C'est un terme qui n'était pas utilisé il y a 20-30 ans. Ouais. Mais ça correspond vraiment à quelque chose. Il y a vraiment quelque D'accord. chose derrière ce terme Bien de sûr, minéralité. Ouais. Mais si on te le sort beaucoup trop. C'est que ça cache quelque chose. Ce que je te propose ouais. là pour pendant illustrer qu'on pour, saucisson, pendant qu'on mange du saucisson ben, et que du Mont-Redon 2012. voilà et qu'on se sert de ce succulent vin, J'ai récupéré sur Internet une analyse sensorielle. Donc, c'est un professionnel, un sommelier, qui fait une dégustation et qui juge en temps réel. C'est d'un vin blanc. Je te propose de l'écouter. Ouais, ça marche. Pour que, et tu verras que ça illustre ce qu'on vient de dire. Tu, ouais, tu identifies vraiment les trois étapes. Vue, odorat, goût. D'accord. Alors, ça dure 4 minutes. Hein, c'est pas trop long, c'est parfait. Ça va. Alors, nous sommes en présence d'un vin blanc à la robe jaune paille. Reflet argenté, le disque est fin, lumineux, le vin est limpide, fluide. Il ne présente pas de défauts visuels. Son éclat est preuve d'une belle fraîcheur et d'une probable évolution également. Au nez, le premier nez est épanoui, plaisant, sur des arômes de fruits secs notamment, de fruits jaunes mûrs également, d'épices, et des notes empyrromatiques. Le second nez se développe sur des notes pâtissières, briochées, toastées, également des notes de pêche jaune mûre, des notes d'acacia également, qui viennent compléter et complexifier ce nez. Il ne présente pas de défaut olfactif. Donc c'est... ces indices viennent confirmer ce qui a pu être détecté à l'œil avec des notes évoluées donc, et un possible passage en fût. En bouche. L'attaque est fraîche. Incisive, le milieu est rond, charnu, plein, et la finale est relativement tranchante et chaleureuse sur une belle longueur de 7-8 caudalies. En rétro-olfaction, on retrouve ces notes de fruits secs qui ont été décelées au nez, et également ces notes de pêche jaune et une légère pointe vanillée. Très agréable. Il ne présente pas de défaut en bouche non plus. C'est un vin plein, élégant, qui est arrivé à son apogée, à sa maturité. Je le servirais dans ce type de verre, un verre relativement large. Nul besoin de le carafer à une température de 12 degrés. Je l'accompagnerais volontiers d'une cassolette de boudin blanc de rétel agrémenté de chaourse, ou encore d'une tourte de canard légèrement épicée au piment doux et au foie gras. Et pour un accord original, je l'accorderais volontiers sur un plat que j'ai pu déguster il n'y a pas si longtemps que ça, un accord entre terre et mer, boudin noir et homard avec un jus au corail. Ce vin peut encore se conserver quelques années. Je le garderai volontiers 5 ans en cave. Un millésime chaud, évolué 2005. Et sur un vin plutôt sudiste tout de même, à dominance de grenache complété avec de la marsanne et de la roussanne dans le sud de la vallée du Rhône, en appellation Côte du Rhône village à Sablé. Alors, il y a un terme qu'il a employé, que tu as oublié d'en parler, comme un gros connard. Donc, vas-y, explique-nous. Ouais, ça va, je t'en prie. C'est la caudalie. C'est ce que c'est que la caudalie. Alors, je pensais que c'était un sirop pour la toux, mais a priori, non. Non, c'est pas ça. Non, en fait, c'est pour juger de la longueur du vin. En fait, il y a un élément qui est très important. C'est quand tu goûtes, justement, ton vin, c'est combien de temps il te laisse du goût en bouche. Ok. Tu vois, c'est la longueur du vin. Et en fait, l'unité de temps utilisée pour juger de la longueur du vin, d'accord. C'est la caudalie. C'est le temps de dire une caudalie, deux caudalies, trois caudalies, quatre caudalies. Ah oui, d'accord. Voilà, et là, okay, dans l'extrait qu'on vient d'écouter, okay. Il dit « Je note une belle longueur de 7-8 caudalies ». Donc, 7-8 caudalies, ça commence vraiment à être important. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important, finalement. Oui, pour, j'ai oublié d'en parler. T'as oublié d'en parler, c'est bien. Bravo, bravo. Mais voilà. Non, mais c'est parce que, tu vois, c'était en premier sur mes notes, en plus. Et voilà. Bon, il faut nous excuser, c'est notre premier numéro. Ouais, ouais, on saura d'être encore. Parfait, mais donc, la caudalie, ouais, c'est vraiment important. D'accord. Parce que c'est un rapport direct avec la qualité du vin. Vraiment, la longueur du vin en bouche. C'est vraiment un truc, les grands vins, ils ont 7, 8, ouais, peut-être 10, je ne sais pas jusqu'à où ça va, plaisir, mais voilà, où ça te l'intérêt laisse, de boire doucement également et de ne pas siffler ton verre. Les petits vins de soif, ils ont 1,2 caudalie, s'évanouit tout de suite, ça ne laisse rien et ça part tout de suite. D'accord. Quoi, voilà. Donc ouais, dans notre grille, entre guillemets, de dégustation, voilà, c'est quand même un des points C'est un point important, oui. Ok, voilà. D'accord. Alors, si on devait finalement résumer ce qu'il faut retenir de la dégustation, c'est-à-dire, vous êtes un consommateur lambda, vous n'avez jamais finalement fait de dégustation, ou ça vous intéresse de déguster sans forcément faire le mouton. Alors voilà, tu peux nous rappeler rapidement ce qu'il faut. Je te le fais en courant. Vite fait, parce que j'ai envie de reboire un verre. Oui, donc on regarde le vin, on serre le vin dans le verre, on le regarde, on cherche des défauts dans la clarté du vin. Sinon, on regarde la couleur, violet, jeune, orange, tuilé, vieux, d'accord. Ensuite, on va regarder les larmes du vin. Beaucoup de larmes, beaucoup de sirop, tu vois. Beaucoup de larmes égale beaucoup d'alcool. Très peu de larmes égale pas beaucoup d'alcool, voilà. Ensuite, on va sentir le vin. Premier nez, on aère le vin. Second nez, on note s'il y a une évolution entre les deux prises d'arôme. Mmh. Après, on verra s'il y a lieu de qualifier ce qu'on sent et tout. Si on n'a pas de bibliothèque, voilà, justement, je reviens sur ma bibliothèque, si on n'a jamais dégusté de vin, on ne sait pas à quoi ça ressemble, quoi. Voilà, donc juste, dans un premier temps, noter l'évolution du vin pour pouvoir considérer si la mise en carafe peut être importante ou pas, si jamais vous en achetez un carton et que vous voulez le servir à Noël, c'est important de le savoir, ça. Ensuite, on va le goûter. Donc là, on le goûte. Donc on le fait bien passer partout dans la bouche, c'est important. Bain de bouche, hein, carrément. Bain de bouche, gencive, joue, palais, la langue dessus. On va chercher un petit peu toutes les sensations qu'on a. On reparle de l'équilibre. Et on inspire aussi. On amène de l'air, toujours la rétro-olfaction. On se souvient du logo Mercedes, on va juger de l'équilibre d'un vin. Il faut pas que vraiment quelque chose l'emporte vraiment de trop. Toutes les saveurs, tous les arômes sont potentiellement bons. C'est juste leur niveau qui leur fait devenir un défaut au bout d'un moment. D'accord. Voilà. Par les défauts manifestes, mais bien sûr. Ouais. Mais bon, voilà. Et voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. Okay. Une fois qu'on a jugé de l'équilibre d'un vin. Alors, pour notre premier numéro, on est pas mal pour une, pour une petite leçon de dégustation. C'était en lieu et place des interviews de vignerons qui sont à venir. Ça me semblait sympa d'évoquer la dégustation, comment on déguste un vin, et comme ça, vous pourrez mettre un mot, vous pourrez juger des conversations qu'on aura avec les vignerons au regard de ce test de dégustation là. Ok. On a fait le tour, je pense, Maxime, sur ce premier numéro. Prochain numéro, donc le mois prochain, donc au mois de février, avec une interview de vignerons. Oui. On peut dire déjà où on va parce que la date est calée. On sait qu'on y va. Si on n'a plus le choix dans la date, autant la donner maintenant. Donc on va aller dans l'enclave des papes. Ça c'est classe. C'est joli, c'est beau. Oui. On va aller dans l'enclave des papes, donc du côté de Valréas, et on va voir. Je vais pas donner le nom du domaine, mais on va voir quelqu'un qu'on connaît. Alors je vous cache pas que c'est un copain, puisque comme c'est une première interview. On a d'abord démarché les gens qu'on connaissait. Pour moins se taper la honte. Voilà, c'est ça. Non, c'est même pas. C'est pour que les gens disent oui. Déjà. Voilà. C'est pas fou. Le problème de la honte, c'est pas vraiment un problème. Donc on va aller du côté de Valréas et je pense qu'on va parler exportation du vin et modèle commercial, en fait, finalement, modèle économique. Ouais. Parce que c'est un domaine qui vend pas mal à l'étranger. D'accord. Et qui a beaucoup. c'est quelqu'un qui a beaucoup à dire sur le sujet, justement. Voilà. Donc justement, et on parlera, enfin, j'espère en tout cas, des spécificités de son vin, de son vignoble, etc. Ah, bien sûr. On ne parlera pas que de chiffres, quoi. Non, mais ça fait partie aussi de la vie des vignerons. Oui. Le modèle économique, est-ce que tu vends en marché local? Est-ce que tu vends en supermarché? Bien sûr. Est-ce que ça part à l'export? Parce qu'il y en a un paquet qui partent à l'export. Vu que le vin français a plutôt bonne réputation. Pour l'assiette commerciale de la France. Oui, c'est ça, exactement. Donc voilà. Ok, très bien. Bah écoutez, c'était Maxime, c'était Julien pour ce tout premier numéro de Tire-Bouchon. Tire-Bouchon, Maxime, le podcast qui parle de Pinard. Bravo. Exactement. Et donc, on vous donne rendez-vous le mois prochain. On vous embrasse. Ciao, à bientôt. Bisous. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.